bâillonne honteusement. Il m'arrive d'imaginer que je pourrais vivre autrement. Alors je change de costume et je refais mon maquillage. Et les projecteurs s'allument sur un nouveau personnage. Je suis vedette américaine, je suis le roi du rock'n'roll, dans tous les plus grands music halls. Je suis, tiens, un super athlète, le champion de tous les stadiums, toujours plus haut sur le podium. Je suis un prince de la finance, la morale, moi je m'en balance. Pour moi la vie c'est le profit. Dans tous ces rôles, tous ces domaines, y a juste un détail qui me gêne. J'ai pas le look, non j'ai pas le physique de l'emploi. J'ai pas le style qui convient, pas le profil. J'ai pas le genre, la manière, la façon d'avoir l'air. J'ai pas l'image qui colle au personnage. Elle m'en faisant de mon mieux, non ça ne fera pas très sérieux. Et tant pis si ça me coûte, j'ai pas le look. Quand s'achève une journée d'ennui et de tourments, que s'enchaînent les tournées, grand café des faux semblants. Un monde étrange se dessine dans la fumée, les ombres dansent et soudain ma vie s'illumine d'une nouvelle existence. Alors je suis artiste peintre, de mes pinceaux de soie j'étale la vie en couleur sur mes toiles. Je suis encore un philosophe, j'ai des idées et des messages pour rendre le monde plus sage. Je suis un auteur à succès, j'attire des millions de lecteurs dans les pages de mes best-sellers. Dans tous ces trocs, tous ces échanges, y a juste un point qui me dérange. J'ai pas le look, non j'ai pas le physique de l'emploi. J'ai pas le style qui convient, pas le profil. J'ai pas le genre, la manière, la façon d'avoir l'air. J'ai pas l'image qui colle au personnage. Mais en faisant de mon mieux, non ça ne ferait pas très sérieux. Et tant pis si ça me coûte, j'ai pas le look. J'ai pas le look, non j'ai pas le physique de l'emploi. J'ai pas le style qui convient, pas le profil. J'ai pas le genre, la manière, la façon d'avoir l'air. J'ai pas l'image qui colle au personnage. Même en faisant de mon mieux, non ça ne fera pas très sérieux. Et tant pis si ça me coûte, j'ai pas le look. Thank you. d'envie si ça me coûte, j'ai pas le loup.